ne sais pas depuis combien de temps je suis assis sur ce banc. Une bonne heure ou 20 minutes. Le spectacle est absorbant. J'observe les gens qui passent, moi je me sens à peine là. J'écoute le vent qui trace dans son murmure a cappella. Rester assis sur un banc, c'est tout un savoir-faire. C'est maîtriser les mouvements qu'il faut savoir taire. C'est assumer et afficher son pouvoir de paresse. Le sentir comme une caresse, chasser les crampes qui apparaissent. Moi j'ai de bonnes capacités dans ma force d'inertie. Il faut savoir en profiter et pouvoir lui dire merci. Être assis sur un banc au beau milieu du décor, c'est être au cœur de la vie, mais c'est surtout être en dehors. C'est de cette cachette ouverte que j'observe mon petit monde, laissant agir à découvert la nonchalance qui m'inonde. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis assis sur ce banc, je regarde les gens pressés et puis ceux qui font semblant. Face à cette scène de théâtre, je ne peux plus m'arrêter, je savoure l'espèce humaine dans son immense variété. J'aime les vieux, les gros, les moches, les grandes gueules et les discrets. Les vénères, les beaux gosses, les précis et les distraits. Un enfant apparaît au loin agitant un petit bâton, en plein combat féroce contre une bonne dizaine de dragons. Il se moque bien des regards dans son délire d'innocence et disparaît à toute allure, presque aussi vite que l'enfance. Une belle femme entre à présent dans mon champ de vision, de grands yeux clairs, un regard sûr, elle semble sourire sans raison. Je la regarde quand elle s'approche, elle marche avec délicatesse. Je la regarde quand elle s'éloigne pour admirer ses jolies tresses. Une autre vient des courses, elle est chargée comme une mule. Le visage fermé, le regard presque aussi triste que son pull. Elle porte tout le poids de la routine dans chacun de ses mouvements. À moins que ce ne soit le poids des sacs, j'extrapole un peu sûrement. Mais regarder les gens passer, c'est ne les connaître que 20 secondes. Il faut alors imaginer toute une histoire qui corresponde. Comme ces deux jeunes qui parlent en slave, sûrement des espions russes. Peut-être juste deux étudiants en échange Erasmus. Alors j'arrête une minute de pousser mon imagination pour admirer le dernier style de la nouvelle génération. Des jeans slim et des coiffures comme dans les clips tard le soir. J'ai un peu de mal à comprendre, je crois que je suis en train de devenir ringard. Il va falloir que je me relève, il va être l'heure de se retirer. Je jette un dernier regard panoramique pour m'inspirer. Il y a un vieux qui regarde devant et son petit-fils qui regarde derrière. C'est peut-être un symbole d'un monde qui marche à l'envers. Je reprends ma route et mes projets, c'est qu'il y a du pain sur la planche. On a des années à construire, des ambitions sur chaque branche. Mais chaque fois qu'il y en aura marre de se vouloir trop exigeant, il nous restera ça, un banc pour regarder les gens.